Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre excursion scientifique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous partons en ville, dans les villes d'hier, aujourd'hui et demain. Une promenade que nous allons faire à travers deux livres et leurs deux auteurs. Il s'agit de Gérard Bonnet, professeur à la faculté de l'aménagement de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, pardon, et il vient d'écrire un livre intitulé Un Québec urbain en mutation aux éditions Multimonde. Et avec lui, nous allons revisiter comment le Québec s'est urbanisé. Et à 18h30, je serai en compagnie de Maxime Pedneau-Jobin, ancien maire de Gatineau, et qui, lui, a écrit un livre intitulé Libérer les villes. Et nous interrogeons sur l'évolution que doivent suivre les villes. Alors, nous commençons maintenant donc avec Gérard Baudet. Gérard Baudet, bonjour. Donc, Alors, vous venez d'écrire ce livre, Un Québec urbain en mutation, aux éditions Multimonde, et ce livre nous fait plonger dans le Québec d'hier et d'avant-hier, d'hier jusqu'à aujourd'hui, pour voir un peu comment se sont développées les villes et les villages, comment le territoire québécois s'est urbanisé. C'est un peu une histoire de l'urbanisation du Québec, finalement, que vous retracez à travers ce livre. tout à fait. En fait, c'est calqué sur un cours que je donne depuis plusieurs années à des étudiants de première année de baccalauréat et qui vise justement à les sensibiliser au phénomène de l'urbanisation inscrit dans la longue durée et en particulier bien, dans le cas du Québec, c'est ce qui s'est passé depuis le 17e siècle jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai appris beaucoup de choses hein, sur l'évolution, sur comment s'est développée l'urbanisation au Québec. Donc j'avais un petit peu entendu parler du régime seigneurial, mais j'en ai appris plus en lisant votre livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'était en fait ce régime seigneurial et comment ça a initié l'ébauche des premiers hameaux, des premiers villages? En fait, le régime seigneurial, c'est le mode d'appropriation et d'occupation du territoire qui a été privilégié par les autorités françaises au moment où on décide d'établir une colonie. Il faut rappeler qu'au départ, il n'y avait pas vraiment une intention d'occupation systématique du territoire, contrairement par exemple à ce qui s'est passé du côté de l'Amérique hispanophone, où là, il y avait vraiment un projet urbain en bonne et due forme. Ici, c'était plus un projet commercial, c'était d'exploiter les ressources, la fourrure notamment, la pêche également. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que pour toutes sortes de raisons, notamment la menace iroquoise, la menace des colons anglais, il fallait d'une manière ou d'une autre approprier cet espace-là. Et donc, on a utilisé le régime seigneurial, qui est une transposition d'un mode d'organisation à la fois spatial et social qui existe depuis le Moyen Âge. Et donc, on a tout simplement légèrement adapté pour être capable de confier à des seigneurs l'occupation du territoire, donc la venue de colons, l'implantation des premiers équipements, notamment le moulin, pour permettre de viabiliser l'établissement. Éventuellement, évidemment, tout ça a généré un besoin de village, un besoin éventuellement de ville, pour pouvoir mieux ancrer cette occupation du territoire. Mais de là nous viennent nos rangs, le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, avec une organisation un petit peu linéaire le long de ces rangs. Tout à fait, qui était un mode d'occupation qui s'apparente à ce qu'on connaissait dans certaines contrées de l'Empire romain, où les militaires démobilisés se voyaient octroyer des terres et pouvaient veiller à la défense de ces territoires-là en prenant les armes au besoin. Et donc, c'est une formule qui est un peu similaire, c'est-à-dire d'essayer d'approprier un territoire avec peu de ressources humaines, parce qu'il y avait très peu de gens qui migraient du côté de la Nouvelle-France, et le territoire était gigantesque. Donc, c'était le moyen qui semblait le plus approprié. En revanche, ça a déplu en partie aux autorités coloniales parce que on s'est rendu compte à un moment donné que les gens préféraient, par exemple, s'adonner au commerce de la fourrure plutôt que de cultiver leurs terres. Et à ce moment-là, Louis XIV a essayé d'implanter ici un mode d'organisation qui est plus apparenté à ce qu'on connaît en France, où les paysans habitent dans un village et se déplacent pour aller cultiver leurs terres. Et donc, on a créé trois entités, dont une seule a été achevée à Charlesbourg. cours, où l'organisation du territoire est caractérisée notamment par un immense carré dans lequel on découpe des pointes de tarte et les gens occupent la pointe fine de cette pointe. Et donc, ça permet de regrouper les gens qui habitent leur terre, mais en même temps de les regrouper dans un village. Sauf que ça n'a pas plu. Les gens ont beaucoup, beaucoup résisté. Et donc, on a persisté avec le système de rang tel qu'on le connaissait. C'est ça, c'est le trait carré à Charlebourg et c'est une organisation un peu circulaire finalement, au lieu d'être, c'est ça, radiale un petit peu au lieu d'être linéaire. Alors ça, ça a duré jusqu'en 1854 quand est arrivé le régime municipal. Ça a changé quoi dans cette organisation? Il faut signaler que Lord Durham a été très étonné de la désorganisation administrative du territoire, où tout relevait des autorités gouvernementales en poste à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal. Et il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, les municipalités existent depuis très, très longtemps et elles étaient de plus en plus sollicitées dans le contexte de la révolution industrielle. Elles devaient de plus en plus occuper un territoire pour remplir toutes sortes de missions à caractère social, à caractère spatial, etc. Et donc, lui arrive dans une société complètement désorganisée. Et donc, il va proposer qu'on ait un régime municipal en bonne et due forme pour qu'il y ait des élus localement capables de prendre en charge un certain nombre de défis. Ouais, à l'époque, c'est assez mince. C'est l'ouverture de l'entretien des chemins, des fossés, un petit peu la lutte à l'incendie, l'application de quelques règles dans les villages, dans les villes pour cadrer un peu le comportement des gens. Donc, c'est assez limité, mais c'est quand même un premier pas dans un renouvellement de l'organisation du territoire par la prise en charge plus locale. D'accord. Puis ensuite, il y a eu d'autres événements, puis on va accélérer un petit peu dans l'histoire. Donc, il y a eu d'autres événements au fil de l'histoire qui ont comment induit la naissance de villes à certains endroits et éventuellement leur étalement. Donc là, je veux parler par exemple des premières industries qui s'installaient là où il y avait l'électricité. Puis à l'époque, on savait pas transporter l'électricité, donc les industries s'installaient là où il y avait la force hydroélectrique. Et donc la naissance de villes autour de ces premières usines finalement. D'abord, on se fixe sur des rapides ou des chutes de long des cours d'eau pour capter le pouvoir hydraulique. Donc, c'est avant l'électricité, là, dans les cinq décennies qui ont précédé l'arrivée de l'électricité. Et ça va doper le phénomène de l'urbanisation parce que ces entreprises manufacturières sont souvent des gros employeurs. C'est plusieurs dizaines, voire des centaines, et dans certains cas, quelques milliers d'ouvriers qui travaillent dans ces usines-là. Et donc, ça capte des phénomènes de migration aussi bien des gens qui viennent de la campagne que des gens qui viennent notamment d'Europe, entre autres d'Irlande. Donc, ces gens-là se rabattent sur les villes parce qu'il y a des emplois. Et donc, les entreprises, quand elles se localisent en quelque part, elles changent complètement les règles du jeu, là. Et on voit effectivement, en quelques décennies, les populations être multipliées par 3, par 4, par 5 assez facilement. Et ça, c'est tout un défi parce que dans certains cas, on pourrait parler de Valleyfield dans la région de Montréal, où on a un village de quelques centaines d'habitants et il y a une entreprise qui débarque et qui éventuellement va engager au-dessus de 2000 employés. Ça change complètement la donne et les autorités locales sont prises au dépourvu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment prendre en charge ce développement extrêmement intense. Et donc, ça va prendre un certain temps avec que les municipalités aient les moyens. D'autant qu'on est dans un contexte de libéralisme économique et qui dit libéralisme économique dit intervention publique minimaliste. On n'interfère pas avec le marché. Et donc, non seulement on est pris de court, mais en même temps, on n'a pas vraiment l'intention d'agir, sauf quand ça se met à déraper. Quand on a des problèmes d'insalubrité, quand on a des problèmes de lutte à l'incendie et tout ça, on n'a pas le choix. Il faut intervenir à un moment donné. Et là, ça commence à transformer le rôle que jouent les municipalités. Ah ouais, c'est ça, parce que ça s'est développé de façon un petit peu anarchique, les quartiers ouvriers. Mais vous parlez aussi dans votre livre des quartiers qui ont été volontairement construits par ces usines-là, par ces propriétaires d'usines pour aménager finalement des quartiers où faire vivre les employés, les ouvriers. Valleyfield est un des premiers exemples où ce que l'entreprise doit faire, c'est s'assurer que les ouvriers spécialisés, les cadres, ont une qualité de vie qui lié à l'entreprise. Parce que le risque pour ces entreprises qui s'installent à quelque part, c'est qu'on ne soit pas en mesure d'offrir du bon logement, d'offrir une vie de quartier intéressante. Et donc, c'est le risque que la concurrence vienne chercher ces gens-là. Et pour les garder, pour les lier à l'entreprise, ben, on va construire des quartiers. Et par la suite, on va avoir un phénomène de plus grande ampleur, c'est quand les entreprises vont commencer à s'installer complètement à l'écart de l'écoumène, par exemple à Shawinigan, par exemple au Témiscamingue, à Témiscamingue même. Là, on n'a pas le choix. L'entreprise, pour exister, doit absolument construire une ville. Et ça, c'est beaucoup lié à l'électrification, parce que ce sont des implantations qui accompagnent le phénomène de l'électrification du Québec. Et donc, à partir du moment où on s'installe au milieu de nulle part, il n'y a pas d'autre choix pour l'entreprise que de veiller à la construction de la ville. Et dans bien des cas, c'est même une construction en fait, c'est même une relation qui est pérennisée dans la mesure où ces villes-là sont gérées par l'entreprise. Donc, ce n'est pas une municipalité au même titre que la plupart des autres. Très souvent, c'est le gérant de l'entreprise qui est le maire de ces villes-là. Donc, ce sont des villes qui sont sous tutelle de l'entreprise. Ça, on a l'impression finalement en lisant votre livre que les municipalités, même s'il y avait une ébauche de municipalités qui était arrivée avec le régime municipal, mais finalement elles n'ont pas un grand pouvoir sur là où vont se développer les quartiers d'habitation et comment ces quartiers vont se développer. On dirait que ça leur échappe. Ça leur échappe à plusieurs échelles. À une échelle macro, ça leur échappe parce qu'entre autres, la configuration du réseau ferroviaire va avoir une grande importance sur la configuration urbaine du Québec. C'est-à-dire que quand on commence à déployer le réseau ferroviaire, une ville qui est située sur un corridor majeur a de grandes chances de se développer. Une ville qui est restée à l'écart a de grandes chances de ne pas connaître de développement. Donc, il y a déjà un premier registre. Évidemment, la canalisation du Saint-Laurent, le développement du port de Montréal va aussi avoir une incidence considérable sur toute la grande région de Montréal. Et ensuite, effectivement, les choix que font, par exemple, les compagnies ferroviaires en ce qui a trait à la localisation des gares de triage, les grandes entreprises industrielles qui décident de s'installer ici et non pas là, vont dicter des processus de développement qui vont complètement transformer les villes, voire dans certains cas, vont permettre la naissance de villes en bonne et due forme. Et donc, les villes, les conseils municipaux accompagnent beaucoup plus le développement qu'elles ne l'oriente. Et c'est la même chose pour le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec n'est pas un gouvernement très interventionniste. Il ne l'est pas avant la deuxième moitié du 20e siècle. Et même encore, bon, par exemple, Maurice Duplessis n'est pas un ardent défenseur de l'urbanisme parce que lui considère que c'est un type d'intervention à portée socialisante. Il se fie beaucoup, beaucoup. Il est très conservateur au plan social, mais il est très libéral au plan économique. Et donc, on n'interfère pas avec les dynamiques économiques, ce qui fait qu'on laisse aller. Puis là, donc, on a parlé de l'industrialisation, comment ça a influé, comment ça induit le développement de certaines villes. Mais après, forcément, on arrive au 20e siècle avec l'automobile et là, ce que vous appelez les banlieues d'évasion. C'est un phénomène qui est plus ancien. Ça précède l'automobile, mais évidemment, l'automobile va faciliter la démocratisation de l'évasion. Il faut comprendre que dans l'histoire, les nantis ont toujours cherché à fuir la ville, ne serait-ce qu'avec une résidence secondaire qu'on occupait pendant l'été, parce que la ville était associée à toutes sortes de maux, fictifs ou réels. Et ce qui arrive avec l'automobile, c'est qu'on rend cette possibilité de s'évader beaucoup plus accessible. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir effectivement fuir la ville. Il faut comprendre que quand l'automobile arrive en ville, la ville est aux prises avec de très sérieux problèmes d'hygiène. La ville est malsaine dans ses quartiers industriels. On n'a pas encore commencé à apporter des solutions qui sont vraiment à grande portée. Et donc, tous ceux qui en ont les moyens vont tout simplement quitter. Le phénomène s'était amorcé avec le tramway, parce que le tramway, c'est un moyen de transport très efficace, relativement peu coûteux. Donc, déjà, il y a des gens qui avaient commencé à s'éloigner des lieux de travail, des grandes concentrations industrielles. Mais avec l'automobile, c'est que le phénomène prend une autre ampleur parce que l'automobile est beaucoup plus souple dans son rapport au territoire. On n'est pas confiné sur des rails, donc on peut s'installer à peu près n'importe où. Et à peu près tout le monde va tenter sa chance. Même les gens un peu moins nantis vont aussi souhaiter s'évader, souhaiter aller habiter dans un autre type. Il y a vraiment une aura qui entoure les quartiers d'évasion. C'est vraiment. Puis on le voit avec la Cité Jardin, notamment inventée en Grande-Bretagne au début du 20e siècle. Ça devient la référence, là, la ville à la campagne, essentiellement. Et donc, vous en parlez, les quartiers centraux se sont construits peut-être un peu de façon anarchique, sans mesure d'hygiène. Il y a beaucoup de pauvreté, de malnutrition. Il y a des quartiers qui ont été rasés à certains moments. Vous écrivez dans votre livre que des quartiers ont été rasés, on en a construit d'autres, parfois un peu sans prendre soin du patrimoine qui était en place. Donc, il y a eu des chamboulements quand même à l'intérieur même de la ville pour essayer de remédier à ces quartiers qui était pas très sain. Les deux phénomènes sont contemporains, c'est-à-dire la grande évasion résidentielle d'après la Deuxième Guerre mondiale se produit au moment où les collectivités territoriales, les gouvernements supérieurs décident de régler le problème des quartiers insalubres. Et la solution qui est privilégiée à l'époque, c'est l'éradication. On détruit massivement, à la fois pour remplacer les logements taudifiés par des nouveaux logements. Bon, les habitations Jeanne-Mance à Montréal est un exemple. Il y a des exemples aussi à Québec de ce genre d'ensemble résidentiel qu'on crée un peu à l'écart des quartiers pour accueillir les populations qu'on va déplacer. Mais c'est aussi la volonté d'adapter la ville à la tertiarisation de l'économie. On a besoin d'édifices à bureaux, on a besoin de nouveaux types de bâtiments pour accueillir cette nouvelle économie et donc il faut faire de la place. Et donc, parallèlement à l'évasion, ben on a le phénomène de la transformation et il y a aussi un autre élément qui fait partie de cette dynamique-là, c'est les corridors de liaison entre ces nouvelles centralités urbaines et les banlieues d'évasion. Il faut les connecter et ça, c'est les autoroutes qui vont le permettre. Les autoroutes, évidemment, on doit les passer à travers les quartiers anciens pour faire la connexion entre les deux entités et on doit détruire massivement. Ce qui fait que, par exemple, à Montréal, entre 1957 et 73, on va démolir à peu près 27 000 logements. C'est comme si on avait rasé la ville de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment majeur. Ça Oui. veut dire qui ont dû être mis ailleurs comme écartés et bon, débrouillez-vous, allez vivre ailleurs. Et toutes ces transformations se sont faites finalement alors qu'il n'y avait pas encore de loi sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme n'était pas encore arrivée. Ça a pris quand même, c'était quoi, fin des années 70 qu'elle est arrivée, cette loi-là? Les années 70. Et ce qui est assez étonnant, c'est à l'échelle de l'Amérique du Nord, nous sommes à peu près, sinon les derniers à avoir adopté une loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Au Canada, la Colombie-Britannique, qui était la province la plus retardataire, l'avait faite au milieu des années 1920. Donc, on voit, là, il y a presque 5 décennies d'écart entre la décision du Québec d'adopter une loi et l'adoption de lois similaires dans les autres provinces. Il y a un laxisme assez majeur de ce point de vue-là au Québec. Bien qu'on ait fait un peu d'urbanisme avant l'adoption de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il en reste pas moins qu'il n'y avait pas de cadre de référence, ce qui fait que quand les municipalités adaptaient des plans directeurs, ben, la première chose qu'on faisait la plupart du temps, c'est de le tabletter pour pouvoir endosser toute forme de développement sans trop de considération sur les impacts. Et on en paye aujourd'hui le prix, là. C'est-à-dire que tout ça, on en est héritier aujourd'hui. La ville de l'étalement, la ville de la dispersion complètement désorganisée, ben, on en paye le prix aujourd'hui, on en vit les conséquences. Oui, c'est ça, parce que donc, tous ces bouleversements dans les villes se sont faits avant qu'on ait cette loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ça s'est fait peut-être de façon pas trop contrôlée, sans vision d'ensemble. Mais maintenant, cette loi est arrivée en 1979, hein, je crois, c'est ça? C'est ça. Puis, et en même temps, avec la création des MRC, donc, qui était peut-être supposé donner un schéma d'aménagement ou un plan, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, aux villes de la MRC. Mais est-ce qu'on se retrouve pas encore un peu d'une certaine façon aujourd'hui? Donc en 2023, avec un peu les mêmes problèmes de difficultés de contrôle de cette urbanisation, de cet étalement urbain. On le voit avec effectivement la poursuite de l'étalement urbain, on le voit avec la destruction des milieux humides. Bien qu'il y ait eu des règles qui aient été adoptées, on continue à détruire les milieux humides. On le voit avec la destruction du patrimoine un petit peu partout. Toutes les semaines, on apprend une mauvaise nouvelle de ce point de vue-là. On le voit avec la dévitalisation des centres-villes. Il y a un exemple récent à Victoriaville où la Société des alcools qui est implantée au centre-ville, suite notamment des interventions de la ville pour pour les accommoder. Pour accommoder, c'est la Société des alcools. Ben, ils ont décidé qu'ils s'en allaient en périphérie, tout simplement, sans avoir de compte à rendre à personne. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent qu'on a encore de la difficulté à avoir un vrai leadership municipal. En fait, on pratique un urbanisme de promoteur. On accompagne les promoteurs beaucoup plus que de prendre les moyens d'être en position de leadership, donc de dicter un peu la manière dont on devrait développer le territoire. C'est ça, on a l'impression que finalement, il y a des problèmes récurrents, parce que bon, on a parlé un peu plus tôt des problèmes de logement, autour des industries qui naissaient à certains endroits, fallait faire venir, il y avait un manque de logement. On retrouve forcément cette problématique plus tard, on la retrouve encore aujourd'hui, pas forcément exactement pour les mêmes raisons. On retrouve toujours cet étalement urbain, le fait que c'est plutôt les propriétaires fonciers ou les promoteurs qui dictent un petit peu ce qu'ils ont envie de construire et finalement les municipalités suivent. Donc on retrouve ces problèmes récurrents finalement. Tout à fait. Un des exemples les plus explicites de ce manque de perspective, c'est le dossier du troisième lien à Québec, où on a vu, dès que ça a été annoncé, on a vu s'activer les élus et les promoteurs partout sur la rive sud, jusque dans le bout de Montmagny, parce qu'ils avaient compris, eux, qu'effectivement, ça générait de l'étalement urbain, malgré ce qu'on nous racontait du côté du gouvernement. Mais on le voit aussi avec l'implantation d'une usine de batterie en banlieue de Montréal, où il n'y a personne qui est en mesure de nous dire qu'est-ce que ça va coûter à la municipalité que d'accueillir cette entreprise-là. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des perturbations lourdes de l'environnement en matière de circulation notamment, etc. Et personne ne semble être capable de nous dire qu'est-ce que ça va avoir comme impact en matière d'étalement urbain, parce que ça va avoir des impacts en matière d'étalement urbain, mais c'est complètement laissé de côté comme préoccupation et comme toujours, ben, on va être en mode réactif quand ça se produira et on essaiera de bricoler des solutions. Mais ça témoigne effectivement de ce manque de perspective qui est bien partagé entre le gouvernement du Québec et beaucoup de municipalités, malheureusement. Et là, cette année, il y a eu une révision, en tout cas une politique nationale de l'architecture, de l'urbanisme, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Bon, c'est quand même récent, c'est de cette année. Est-ce qu'on voit dans cette politique des avenues qui pourraient nous dire qu'on va avoir une meilleure vision d'ensemble du développement du territoire? En théorie, oui. En pratique, je n'y crois pas. Actuellement, on n'a pas un gouvernement à Québec qui est sensible à ces questions-là. Je reviens sur l'exemple de la Société des alcools à Victoriaville. Le président de la Société des alcools est capable de dire « je n'ai pas à tenir compte de cette politique nationale ». Qu'un organisme gouvernemental se place au-dessus d'une politique nationale, c'est quand même inquiétant. Et, ouais. et puis, jusqu'à maintenant, personne ne l'a rappelé à l'ordre. Ouais. Donc, le fait qu'on ait ressuscité le troisième lien après l'élection dans Jean Talon, autre exemple, on a une politique nationale qui dit qu'il ne faut surtout pas faire ça et on se permet d'annoncer qu'on entend probablement le faire. Donc, de ce point de vue-là, ben, c'est la même chose avec le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement, sur les questions environnementales liées à l'urbanisation, il n'est absolument pas crédible. Je veux dire, il n'y a rien qui a été fait depuis une dizaine d'années de ce point de vue-là. Et le gouvernement actuel n'a absolument pas rectifié le tir depuis qu'il est en place. Et donc, moi, c'est une des choses qui m'inquiète, là. Cette espèce d'incapacité de se donner un cadre et d'être cohérent, c'est-à-dire de se donner les moyens de nos ambitions collectives de ce point de vue-là. Bon, certains prétendent qu'il faut laisser la chance au coureur, mais j'ai plutôt tendance à penser que le coureur s'est enfargé en partant. Mais ça fait comme si on n'avait pas appris du passé non plus, d'une certaine façon. Effectivement. Dans le cas du troisième lien, par exemple, tous les experts, sans exception au Québec, ont dit, écoutez, depuis 50 ans, on sait exactement ce que ça va avoir comme conséquence. Puis, on fait comme si, effectivement, la même cause n'était pour ne pas avoir les mêmes conséquences dans ce cas-là. C'est un petit peu particulier, disons. Ben en tout cas, c'était passionnant de vous lire, de lire ce livre, et c'est passionnant de vous écouter. Je regrette qu'on arrive déjà au bout de l'entretien. Je crois que j'aurais vraiment continué. Peut-être qu'on pourra se reprendre une autre fois. Donc, je rappelle ce livre, Un Québec urbain en mutation, paru aux éditions Multimonde. Merci beaucoup, Gérard Baudin. de nous Merci pour l'avoir. l'invitation. Donc, je rappelle que Gérard Baudet est professeur à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. On va faire une petite pause musicale sur CKRL 89.1, mais on reste en ville. Au retour, je reçois Maxime Pedneau-Jobin, ancien maire de Gatineau, qui va nous parler des villes d'aujourd'hui. Tu es parti.